Le poème de Grimner. Le roi Rodungr avait deux fils. L'un se nommait Agnar et le second Geirrod. Agnar était âgé de 10 hivers et Geirrod de 8. Ils se mirent tous deux dans un bateau pour pêcher de petits poissons et le vent les poussa en mer. Le soir, ils se dirigèrent vers le rivage. Débarquèrent et trouvèrent un paysan chez lequel ils passèrent l'hiver. La vieille femme éleva Agnar, mais son mari se chargea de l'instruction de Geirrod. Au printemps, le paysan leur donna un navire, et les ayant accompagnés sur le rivage ainsi que sa femme, il dit quelques mots à part à Geirrod. Les navigateurs eurent le vent pour eux et atteignirent le royaume de leur père. Geirrod était à l'avant. Il sauta à terre et poussa le navire au large en disant « Va maintenant où les petits te prendront !» Le vaisseau avança en mer, mais Geirrod monta à la ville où il fut bien reçu. Son père étant mort, Geirrod fut proclamé roi et devint un homme très célèbre. Odin et Frigg étaient assis sur l'Idskjalf et leurs regards parcouraient le monde. Odin dit « « Vois-tu ton fils adoptif, Agnar, qui a des enfants avec la géante dans la caverne ? Mon fils adoptif, Geirrod, au contraire, est roi et possède un royaume. » Frigg répondit « C'est un avare, il affame ses convives quand il en trouve le nombre trop grand. » Odin dit que Frigg proférait le plus grand des mensonges et ils firent un pari à ce sujet. Frigg envoya Fulla, sa messagère, à Geirrod, et l'invita à se méfier d'un homme très versé dans la magie qui était arrivé dans son royaume. Pas un chien ne serait assez enragé pour courir sur lui, on pourrait le reconnaître à ce signe. Dire que Geirrod n'était point hospitalier, c'était articuler une calomnie. Cependant, il fit saisir l'homme que les chiens ne voulurent point attaquer. Il était vêtu d'un manteau bleu, dit s'appeler Grimnar, et ne donna point d'autres renseignements sur lui, malgré toutes les questions qu'on lui adressa. Le roi le fit mettre à la torture pour le faire parler, et le laissa pendant 8 nuits entre 2 feux. Le roi Geirrod avait un fils âgé de 10 hivers et nommé Agnar d'après son oncle. Cet enfant alla trouver Grimnar, lui tendit une coupe remplie de bière, et dit que le roi avait tort de tourmenter un innocent. Grimnar but, et le feu s'était déjà avancé au point de brûler son manteau. Grimnar chanta. « Tu as chaud, ô Ripod. Séparons-nous, flamme, vous êtes trop brillante. Mes cheveux roussissent, quoique je les porte en l'air, et le manteau brûle autour de moi. J'ai été assis pendant 8 nuits entre ces feux. Personne ne m'a offert de nourriture, excepté Agnar, le fils de Geirrod. Il régnera seul sur la Gothie. Sois heureux, Agnar. » Car les héros t'invitent à être leur capitaine. Jamais une rasade n'aura été mieux payée jusqu'à ce jour. Elle est sainte, la contrée que je vois près du pays des Alphes et des Ases. Mais Thor habitera Trudem jusqu'au moment où les puissances seront anéanties. Idalan est le nom de l'endroit où la salle douleur a été bâtie. Alfheim a été donné par les dieux à Frey dès l'origine des temps. C'était le cadeau pour sa première dent. La troisième demeure céleste est celle que les dieux cléments ont couverte en argent. Valaskjalf, ainsi se nomme la salle que Val s'est choisie au commencement des temps. Sökvabek est la quatrième demeure céleste. Les vagues rafraîchissantes peuvent passer par-dessus. Odin y boit tous les jours avec Zaga dans des vases d'or. Gladsem est la cinquième demeure céleste. Valhall, resplendissant d'or, y tient une vaste place. Odin y fait tous les jours un choix parmi les hommes tués sur les champs de bataille. Ils ont grande impatience de se rendre chez Odin pour voir sa salle. Le plafond est cannelé avec des bois de lance. Le toit est couvert de boucliers. Des cottes de mailles sont étendues sur ses bancs. Ils ont grande impatience de se rendre chez Odin pour voir sa salle. Un loup est enchaîné devant la porte de l'ouest et un aigle plane au-dessus. Trimhem est la sixième demeure céleste. Thias, ce géant si fort, l'habitait. Maintenant, elle est occupée par sa fille Skad, la lumineuse fiancée des dieux. Breidablik est la septième demeure céleste. Balder l'a fait construire dans le pays où se trouve le moins de runes nuisibles. Himingborg est la huitième demeure céleste. Heimdall y fait le service dans le sanctuaire. Le joyeux gardien des dieux boit le bon hydromel dans sa paisible maison. Folkvang est la neuvième demeure céleste. Freya dispose des sièges de cette salle. Tous les jours, elle prend la moitié des hommes qui succombent dans les champs de bataille. L'autre moitié appartient à Odin. Glitner est la dixième demeure céleste. Ses fondations sont en or, sa toiture est en argent. Forzet l'habite presque toujours et y pacifie les querelles. Nuatun est la onzième demeure céleste. Njördi a fait bâtir une salle. Le général de Mannheim, le dieu innocent, y possède un temple en bois fort élevé. L'herbe, les forêts et les broussailles ont une végétation vigoureuse dans le pays de Vidar. Ce dieu en descendra monté sur un cheval très fort pour venger son père. Andrimner, mais Erimner, ce bon lard, dans la marmite Eldrimner, il est peu de gens qui savent ce que mangent les Einherjars. Geir et Frek sont nourris par le vaillant et magnifique dieu des armées, mais Odin ne se nourrit que de vin. Hugen et Munen parcourent tous les jours la terre. Je crains que Hugen ne revienne pas, mais je regretterais encore davantage Munen. Le fleuve de Tund mugit. Les poissons joyeux folâtrent dans le fleuve de Thjodvitner. Le courant en est trop profond pour que les morts du champ de bataille puissent le passer à gué. Valgrind, la barrière sainte du rempart élevé devant les portes sacrées, est vieille, mais il est peu de gens qui sachent comment on la ferme avec la serrure. Valhall a 500 portes et 40 environ en su. 800 Einherjars sortent à la fois par chacune de ces portes quand ils vont combattre le loup. Dans Bilskirn, qui est voûté, se trouvent 500 chambres et environ 40 en su. De toutes les maisons en bois, celle de mon fils est la plus grande. Heidrun est le nom de la chèvre qui se promène dans les cours d'Odin. Elle mange les feuilles de l'Erad et remplit le vaisseau qui contient l'hydromel. Il ne sera jamais à sec. Aiktirnar est le nom du cerf qui se promène dans les cours d'Odin. Il mange les feuilles de l'Erad et de son bois l'eau tombe goutte à goutte dans Vergelmer. De ce puits proviennent toutes les eaux. Voici le nom des fleuves qui serpentent autour de la demeure des dieux. Sid et Vid, Zekon et Aiken, Svöl et Guntro, Fjörm et Fimbultul, Rin et Renanda, Gipul et Göpul, Gemul et Geirvimul, Tin et Vin, Töl et Höll, Grad et Guntorin. Il en est un qui se nomme Vina et un autre Vegvin. Tjodnuma est le troisième. Nit et Nöt, Nön et Hön, Slid et Rid, Zilger et Ilger, Vit et Von, Vönd et Strönd, Gjöll et Leipter tombent près des hommes et ensuite dans la demeure de la mort. Thor est obligé de passer à gué chaque jour le Körmt, l'Örmt et les deux Kerleugar lorsqu'il se rend à l'assemblée sous le frêne Yggdrasil, car le pont des Ases est en feu et l'eau sainte bouillonne. Glader et Giller, Glair et Skydimmer, Silfrintap et Zinner, Gisel et Falhofner, Gultop et Letfeti, ainsi se nomment les chevaux montés tous les jours par les dieux quand ils se rendent à l'assemblée sous le frêne Yggdrasil. Les trois racines de cet arbre ont chacune une direction différente. Elle est abritée par l'une d'elles. Les Rimtursars habitent sous la seconde et les hommes sous la troisième. Ratatusk est le nom d'un écureuil qui monte et descend le long d'Yggdrasil pour transmettre à Nidag les ordres de l'aigle. Quatre cerfs sortent d'une rivière appelée Hefing. Ils pâturent le cou arrondi. Dain, Dvalin, Duneir et Durator, tels sont leurs noms. Il y a plus de serpents sous le frêne Yggdrasil qu'un ignorant n'en pourrait compter. Goin et Moin, enfants de Grafvitner, Grabak, Grofal, Hofner et Svafner rongeront éternellement les rameaux d'Yggdrasil. Cet arbre endure plus de souffrances que les hommes ne peuvent se l'imaginer. Le cerf mord sa tête, son côté pourri, et Nidhogg ronge ses racines. Je veux que Rist et Mist m'apportent la coupe. Skegel, Skegul, Hildetrud, Huck et Herfjötr, Gull et Geirlul, Randgrid, Radgrid et Reginleif servent la bière forte aux Einar Jarls. Arvaker et Alsvider, les bons chevaux, traînent le soleil, mais sous leurs épaules, les Ases, ces dieux cléments, ont caché les soufflets rafraîchissants. Svalin est le nom du bouclier placé devant le soleil, ce dieu resplendissant. Les montagnes et les mers brûleraient, je le sais, si Svalin tombait. Skull, tel est le nom du loup qui suit le soleil lumineux jusqu'à l'océan dont les bras étreignent la terre. Un autre loup, appelé Hat, est fils de Rodvitner. Il précède la lumineuse fiancée du ciel. Le soleil, nous avons déjà fait remarquer que, chez les Scandinaves, cet astre est féminin. On forma la terre avec le corps d'Ymer, l'océan avec son sang, les montagnes avec ses eaux, les forêts avec ses cheveux, et le ciel avec son crâne. Mais avec les sourcils, les dieux cléments créèrent Midgard pour protéger les hommes. Avec sa cervelle, ils firent les pesants nuages. Le premier qui saisira le feu avec la main sera sûr de la faveur d'Ulor et de tous les dieux. Les demeures des Ases seront ouvertes quand les marmites en auront été enlevées. Dans le commencement des temps, les fils d'Ivald construisirent Skidbladner, le meilleur de tous les navires, et le donnèrent au fils lumineux de Njord. Le frêne Yggdrasil est le meilleur de tous les arbres, Skidbladner le meilleur de tous les navires. Odin est le meilleur des Ases, Sleipner le meilleur des chevaux, Bifrost le meilleur des ponts, Brag le meilleur des poètes, Habrok le meilleur des hiboux et Garmr le meilleur des chiens. J'ai maintenant révélé ma forme aux fils des hommes, elle leur donnera le salut. Tous les Ases l'admettront au festin des buveurs d'Eger, ils lui donneront une place sur les sièges de ce dieu. Je me nomme Grimm, je me nomme Gangrader, Herjan et Jalmberi, Tekker et Tride, Tudor et Uder, Helblinde et Har, Zader, Svipal et Zangetal, Hertheit et Hinkar, Bileiger, Boleiger, Böelwerk, Fjölner, Grimner et Glapsvider, Zidhatter, Zidskegger, Siegfader, Nikuder, Alfader et Atrider. Jamais, depuis que je voyage parmi les peuples, je n'ai été appelé du même nom. Chez Geirrod, on m'appela Grimner, et Jalk chez Asmund. On m'appela Kjalar lorsque je m'attelais au traîneau, et Tror dans les assemblées publiques. Parmi les dieux, on me nomme Om, Jafnar et Biflinde, Gungler et Harbard. Chez Zuckmimer, on m'appela Svidur et Svidrer, et je cachai mon nom au vieux géant lorsque je devins le meurtrier de Njotvitner, son fils magnifique. Tu es ivre, Geirrod. L'hydromel t'a trahi. Tu as beaucoup perdu en perdant mon assistance, la faveur d'Odin et les Einar Jarls. Je t'ai enseigné bien des choses, tu les as presque toutes oubliées. Tes amis s'affaiblissent, et je vois le glaive de mon fils adoptif taché de sang. La moisson de l'épée est mûre. Odin va faire un choix. Ta vie est écoulée, les devins ne te sont pas favorables. Tu vois Odin, maintenant, approche si tu l'oses. On me nomme Odin, autrefois on me nommait Igor, et auparavant Tundr, Vaker et Skilfinger, Vafudr et Hroptatir, Goethe et Jalk, Ofner et Svafner. Je porte ces noms parmi les dieux, ils proviennent tous de moi. Le roi Geirrod était assis. Il avait sur les genoux son glaive à moitié sorti du fourreau. Quand il sut que Grimner était Odin, il se leva pour le tirer du feu. Le glaive s'échappa de ses mains et la poignée tourna vers le plancher. Le roi fit un faux pas, tomba sur son glaive qui le traversa. Cet accident causa sa mort. Alors Odin disparut et Agnar fut pendant longtemps roi de ce pays.